Man who's been trained to ignore pain, ignore weather, to live off the land, to eat things and to make a billy goat puke. In Vietnam, his job was to dispose of enemy personnel, to kill, period. Il est un recueil de pensées uniques, la mémoire en deux de ces précieuses reliques. Laisse-toi bercer sous un sol de chrysanthèmes, ta mémoire engagée à long et court terme. Les élites françaises n'ont jamais collaboré, reconnaissant à l'aise l'employé de Bolloré. Si t'as déjà fait ton colonel décoré, si notre histoire est foutaise, ça saurait. Le GI, n'ayez crainte, c'est le bien qui protège. Du GI, d'une tâche pour le blanc comme neige. Pendant qu'il respire, quand les armes s'enrayent, les contrées prospères du capital s'émerveillent. Qui a créé la haie, la cour suprême, qui achète sa liberté pour être maître du système. Les mêmes condamnés en vain dédommagés, le Nicaragua pourtant le sang versé. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Dis-moi qui paye, je te dirai qui tient le fouet. Leur vision de ce monde n'est qu'une perspective binaire, un plat sans saveur que l'on sert à la ménagère. Et si les méchants leur font peur, ils leur envoient leur sauveur, l'armée de terre, la marine et l'armée de l'air. 21e siècle, le rythme saccade, les frappes chirurgicales saccagent et s'acarnent pas la douleur. En période de croisade, j'assimile ça à des attentats. Depuis que leurs musulmans ont leur carte de membre d'Al-Qaïda, depuis que l'Occident nous protège, après Charles Martel on a eu le droit à Charles Pasqua et le petit Nicolas. Je te raconte pas bordel. Imagine juste un frigo de bouffe avec à l'intérieur un rat. Et viens pas me dire que dans 50 balles on pensera qu'ils étaient des bons gars. Allez citoyen, allume ta télé, informe-toi sur ce monde qui t'entoure et que tu ne comprends pas. Dans ta tour d'ivoire, la rue tu la vois pas. C'est juste un monde en noir et blanc qui éclabousse ton plasma. Puis c'est la peur qui détermine tes placements. Est-ce un hasard si leurs ennemis opèrent des déplacements, ceci tous les 10 ans? Est-ce pour la bonne cause qu'on tue femmes et enfants, qu'on pilonne un pays sous embargo sans armement? Démocratie, vous avez dit? Retournez donc à vos études, pas celles de l'aristocratie. L'Europe, un ancien combattant repenti, l'Orient revendique quand l'attentat retentit. Où la femme n'est que le reflet de son mari, c'est notre vision du monde, les méchants contre les gentils. Les pétro-monarchies à l'essor alarmant, les États-Unis aux médias indépendants. L'Occident à l'arrogance du professeur, l'assurance de l'ignorant, les traits du dictateur, licenciement jusqu'au Figaro, des nouvelles qui paraissent sans leur consentement, passage en force avec l'accord du barreau, des lois rejetées au Parlement. Ça se passe aujourd'hui en France, il pisse sur son terreau, mise sur la touche de l'opposant, manipulation du populo. Ajoute à ça la peur et dis-moi qui crève, tu me joues des dictateurs. L'Europe, un ancien combattant repenti, l'Orient revendique quand l'attentat retentit. Où la femme n'est que le reflet de son mari, c'est notre vision du monde, les méchants contre les gentils. Les pétro-monarchies à l'essor alarmant, les États-Unis aux médias indépendants. Où la femme moderne élève seule ses enfants, et c'est dans ce monde qu'on vit, les gentils contre les méchants. Régime.